بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bienvenue à vous toutes. Et donc, quand on observe, nous allons commencer aujourd'hui à un sujet très important. L'islam, pas religion, c'est arabe, là seulement. Et avant toute chose, je vais te présenter comme moi très rapidement, de façon très brève. Quand on entend, moi c'est Abdul Karim Plaisel, mon mari Go. C'est là que je grandis, je grandis dominante. Et donc, je grandis à dans mon marigot. Et c'est en Suisse que je convertis comme à l'islam. Et après conversion, je suis parti, je voyagé pendant plusieurs années pour m'essayer à apprendre, pendant plusieurs années pour m'essayer à apprendre religion au moins. Dans plusieurs pays, que ce soit en Afrique ou en Asie ou ailleurs. Et c'est d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez pu constater que créole moins pas qu'à monter mon. Mon yon frère qui a dit moi même bagaille là, créole moins pas qu'à monter mon. Et donc moi aussi j'ai dit à mon cas des autres, bon excusez-moi dès le début hein, pour moi commencer. Parce que ça a fait très longtemps, ça a fait très longtemps que nous commençons à voyager et forcément... là, on pas capable de créole en l'eau pendant le voyage là, on peut perdre langue là. Mais, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, créole là qui retourne très vite. Parce que c'est langue là que nous sommes capables tous les jours. Et donc, sujet que nous avons aujourd'hui, c'est un sujet qui est très important. C'est un sujet qui est très très important, notamment parce que c'est en incompréhension qui est propagé. Ni en l'eau, ni en pile monde qui a propagé l'incompréhension là. Là, on a essayé de montrer yo, ça qui est l'islam. Vous avez dit oui, mais l'islam, c'est religion, c'est arabe là qui l'a. L'islam, c'est religion, c'est arabe là qui l'a. Et je dis à nous montrer que la parole là, c'est une parole qui corrompue, c'est une parole qui fausse. Et bien entendu, nous avons montré tout ça et puis ces preuves là. Mais avant de nous rentrer dans Chess IGA, il faut que vous sachiez qu'il y a une idée moune. Peut-être que vous pensez que aujourd'hui à nous qui critiquer ces arabes là. Et ça faux. C'est pas ça nous qui fait aujourd'hui à, notamment que en islam, nous pas ni ça, en islam nous pas ni racisme. Ça c'est un principe que faut nous comprendre bien comme il faut. En islam nous pas ni racisme. Là nous regarder dans le Coran, à la qu'a dit nous comme par exemple à dans sourate donc 49 le verset 12. Il a dit nous, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila li ta'arafu. Oh, ces mouns-là, nous créez toutes à partir d'un homme et en madame. Et donc, nous toutes là, toutes ces mouns-là, peu importe pays à carité, nous toutes nous n'y même base là. Qui c'est Adam et Ève. Nous toutes, nous n'y même base là. Waja'alnakum shu'uban wa qabaila li ta'arafu. Et nous fait que zot c'est des peuples et des tribus pour zot reconnaître que zot. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Certes, c'est Allah qui plie noble. Parmi les autres, auprès d'Allah, c'est Allah qui nie le plus de piété. C'est Allah qui nie plus de piété. Et donc, il faut qu'on prenne ça en considération que c'est Allah qui c'est les plus nobles là, c'est-à-dire les, c'est Allah qui nie meilleure position. C'est yo, c'est Muntala, c'est Moulin qui nie le plus de piété. Le plus important, c'est la piété. Bagay ta la pas lié, il pas lié et puis couleur, ou origine là, ou langue là, il y a, et puis ça au café. Est-ce que c'est le genre de monde qui a fait de bonnes actions ou c'est le genre de monde qui a péché en l'eau? Point à essentiel est lié à la piété. Et c'est pour ça que nous avons trouvé dans des livres, des recueils de hadiths, nous ni en islam, nous ni Coran. C'est qui ça qui source islam là? Nous ni Coran, qui c'est la parole d'Allah, et nous ni aussi Sunna. Sunna là, c'est passé toutes ces hadiths, tous ces récits prophétiques là. Et ni des paroles que le prophète l'a prononcé et Sunna là qui a expliqué Coran. Et donc ces récits prophétiques là qui a expliqué nous Coran. Alors nous qu'a trouvé dans deux recueils qui sont très importants, c'est le recueil qui est le plus authentique pour la communauté musulmane là. C'est recueil Imam al-Bukhari et recueil d'Imam Muslim là. Nous qu'a trouvé dans les deux recueils des récits prophétiques très importants. Parole prophète très très importante. Prophète là dit nous: Inna min khiyarikum ahasinukum akhlaqa. Certes, les meilleurs parmi eux, c'est Allah qui n'y meilleur comportement. Les meilleurs parmi eux, c'est Allah qui n'y meilleur comportement. Pourquoi? Parce que comportement lié à la piété. On y a un bon comportement et puis t'as là qui crée ou. On y a un bon comportement et puis ces créatures-là aussi. On y a un bon comportement et puis ces proches-là. On y a un bon comportement et puis ces voisins. On y a un bon comportement et puis ces mounans ou qu'à travailler puis yo. Tout ça lié à la piété. Et donc, mounan, t'as là qui n'y a un meilleur comportement, c'est lui qui a fait partie de ces meilleurs mounans. Et donc, il faut que nous fassions attention à ça. Et nous avons trouvé aussi, dans le recueil Talan, dans le recueil El-Bukhari et le recueil Muslim, en l'autre récit prophétique, en l'autre parole prophète là, qui dit nous: Inna khiyarakum ahsanukum qada'an. Certes, c'est Allah qui a remboursé le mieux. C'est Allah qui a fait en sorte que yo rembourse dette yo de la meilleure des façons. C'est yo qui c'est les meilleurs. Pourquoi? Parce que ça aussi, ça lie à la piété. Que là, on est en dette ou qu'a efforcé quoi pour rembourser dette là. Ça, c'est un bagage qui lie à la piété. Et donc, c'est mon nom qui nie le plus de piété. C'est yo qui c'est les meilleurs. Et aussi, en l'autre parole prophétique, Fouatala, dans l'autre recueil Ibn Hibben, il a dit nous: Khayrukum, khayrukum li ahlihi. Et donc, le prophète là qui a dit nous, le meilleur parmi eux, c'est Allah qui n'y a un meilleur comportement et puis famille. Et donc, tout ça pour vous comprendre que nous pas ni racisme en islam. Je dis à nous pouvons critiquer ces Arabes-là. Nous pouvons critiquer ces Martiniquais. Nous pouvons critiquer ces Français. Nous pouvons critiquer ces Tunisiens. Nous pouvons montrer un point important, c'est que l'islam, c'est pas religion, c'est arabe là seulement. Et ça n'a pas qu'à impliquer que nous qui critiquer ces arabes là. Au contraire. Et donc, sujet nous encore nous qui aujourd'hui, c'est donc parole là que nous attendons l'eau, nous attendons pile, hein, l'islam, c'est religion, c'est arabe là. Et comme on disait tout à l'heure, c'est que cette parole là, c'est une parole qui est propagée et que faut que nous fassions attention. Parce que parole Ta'ala, c'est une parole qui est basée en leur ignorance profonde. Moun lan qui a prononcé parole Ta'ala, qui a dit nous que l'islam c'est religion, c'est arabe là, c'est un monde qui pas connaître l'islam et c'est un monde qui pas connaître ces arabes là non plus. Et donc c'est une parole qui est basée en leur ignorance profonde du début à la fin. Et ça, c'est un bagage qui est interdit en islam. Nous ne pouvons pas parler d'ignorance comme ça. Allah, dans le Coran, il cite un autre bagage qui est interdit, les turpitudes, les péchés. Et à la fin, il dit nous: Wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun. Et aussi, il interdit que zot ka dit en l'air Allah, ça zot pas ça. Et donc, ça c'est un bagage qui interdit que nous parler de religion alors que nous pas savons. Si vous voulez connaître l'islam, faut qu'on connaître source là. Faut qu'on sache que source islam là, c'est Coran qu'on nous dit avant, et aussi c'est les récits prophétiques là. Faut qu'on sache ça, faut qu'on connaître ça, faut qu'on comprenne ça. Et même chose pour religion chrétienne là. Si vous voulez parler en la religion chrétienne là, vous ne pouvez pas parler d'ignorance comme ça. Vous ne pouvez pas dire ça on y en tête ou. Faut qu'on y en preuve, faut qu'on y en argumentation. Ou savent que c'est catholique là qui a basé quand ils ont la Bible là, faut qu'on garde ça qui n'y en la Bible là. On peut pas venir critiquer la religion catholique là comme ça et puis ou qu'a venir puis des bagages qui en tête ou. Non, faut qu'on basé quand on a des preuves concrètes si vous voulez parler. Et donc nous qu'a dit même bagage là pour l'islam. Si vous voulez parler, faut qu'on basé quand on a des preuves concrètes. Ou peut pas parler de l'islam comme ça et ou pas savoir c'est qui ça l'islam à la base. Et donc ça c'est un point qui est essentiel. Et donc je dis à nous qui méditons les paroles là et nous qui ouais nous qui donc nous qui montrer que argumentation là que parole là c'est une parole qui pas vraie, c'est une parole qui loin d'être vraie. Et donc tout d'abord sa parole là l'a dit. Là yo ka dit nous l'islam, c'est religion, c'est arabe là. Sa parole, t'as l'a dit, c'est une parole qui nie plusieurs sens. C'est une parole qui nie plusieurs sens. Nous pouvons comprendre, dit parole, t'as là. Premier point, hein, nous pouvons comprendre que c'est arabe là, c'est yo qui inventé l'islam. C'est yo qui vini et puis religion, t'as là. L'islam, c'est religion, c'est arabe là. C'est-à-dire que c'est arabe là, c'est yo qui vini et puis religion, t'as là. Religion ta la pâte qui a existé avant ces arabes là. Et donc ça nous peut comprendre. Nous peut comprendre parole ta la dans ce sens ta la aussi. Alors nous regarder. Premièrement, c'est qui ça qui l'islam? L'islam, c'est que vous soumettez corps à Allah, ta la qui créé vous soumettez corps à Allah. Là, on a accordé un culte exclusif. On a adoré Allah seul. On n'a pas adoré d'autres créatures. On n'a pas adoré pièce divinité en dehors d'Allah. Parce que c'est lui qui crie. C'est lui qui crée. Et donc, l'islam, c'est le fait que vous soumettez corps et que vous adorez Allah qui crée seulement. Et que vous obéissez. C'est ça l'islam. Alors. Concrètement, si nous comprenons ce qui est l'islam, nous ne comprenons un point essentiel qui vient après ça. C'est que l'islam, ce n'est pas une nouvelle religion. L'islam, ce n'est pas une religion qui vient dernièrement. Pourquoi? Parce que tous ces prophètes-là, du premier jusqu'au dernier, ils ont appelé à message Tala. Que nous soumettre qu'on nous pour Tala qui créait nous et que pour yo t'es qu'à appeler ces moun là pour yo adorer Tala qui créait nous et c'est ça l'islam. Et donc l'islam c'est pas une religion qui nouvelle. Si vous regardez dans la Bible l'Exode les 10 commandements vous avez trouvé que faut que nous adorer en seule divinité. Zot qui trouvé que faut que nous prosterner qu'on nous pour en seule divinité. Ça c'est un bagage qui a dans l'Exode. Et c'est ça l'islam aussi. Et donc l'islam c'est pas une nouvelle religion. Il pas ni un seul prophète dans la Bible qui dit nous que faut que nous adorer Jésus. Si vous méditez bien, gardez bien la Bible là. Il n'y a pas ni un seul prophète dans la Bible qui a dit nous que faut qu'on adore Jésus. Tous ces prophètes-là, venir et puis même message-là, faut qu'on adore en seule divinité. Et si nous regardons dans le Coran, nous trouvons même bagaille là. à dans le Coran, nous qui trouvons même bagaille là. Sourate 3, le verset 67. Sourate 3, verset 67. Allah a dit nous, mais كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Abraham pas te fait partie de ces juifs là et il pas te chrétien non plus. Abraham pas te juif et pas te chrétien. Si vous méditez les paroles là, Abraham vini avant ces juifs là et avant ces chrétiens. Et donc Abraham pas te juif parce qu'il vient avant le peuple juif là. Et il partait chrétien. Il vient avant Jésus. Et donc, il partait ni la croyance que Jésus mort crucifié pour sauver ces mouns là. Mais par contre, Abraham, il était accordé un culte exclusif et il était soumis, musulman, musulman. Musulman, ça veut dire qu'on est soumis. Et il était soumis. Et Abraham pâté qui a fait partie des polythéistes là. Et aussi, si nous gardons dans la parole, en l'autre verset aussi, sourate 2, le verset 130 à 132, c'est à la 20e page du Coran, si vous avez cherché. Allah a dit nous, وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Et c'est mon nom qui a délaissé la religion Abraham là. C'est cet là qui a rabaissé Koyo. Nous tous nous d'accord. Si vous regardez bien, ces juifs là, ces chrétiens, ces musulmans, ils sont tous d'accord pour dire que Abraham, c'est il a fait partie de ces prophètes qui les plus importants. Parce qu'il vini et puis monothéisme là. Il vini et puis l'ordre que nous adorons en seule divinité. Et il n'a pas lâché prise. Et donc, tout ce monde-là, il est d'accord que faut que nous suivions la religion Abraham là. Ok. Mais la religion Abraham là, c'est qui ça? Qu'on nous dit avant, est-ce Abraham t'es juif? Est-ce t'es chrétien? Et donc, Allah a dit nous, wale kadi stafeina houfid dunya. Nous choisis ici-bas, dans la vie à terre, nous choisis. Wa inna houfil akhirati mines solihin. La mines solihin. Et dans l'au-delà, il a fait partie. Dit c'est mon nom qui n'est la piété. Il colle la hou rabbuhu aslim. Le bon Dieu il dit soumet kou. Bon Dieu il dit soumet kou. Colle aslem tout li rabbi le alamin. Il dit m'en soumet comme un pour Seigneur univers là. Et donc Abraham soumet kou. Wa wassabiha Ibrahim ou benihi wa Yaqub. Ya bani ya inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Et c'est puis parole ta là, parole de l'unicité, adorer en seule divinité, que Abraham fait une recommandation pour Chamaili, pour ses Chamaili, et aussi Yaqub fait même bagaille là pour ses Chamaili. Ya bani ya inna Allah astafa lakum ad-din. Oh ses Chamaili là, certes Allah choisit bazot religion, il choisit pas autre religion. Alors, faut pas autre mort sans que autres soumis, sans que autres en pleine soumission. L'islam. Et donc, faut pas que nous injustes et puis Abraham et Jacob. Faut pas que nous injustes et puis yo. Faut pas nous dire que c'est arabe là, c'est yo qui inventé religion soumission. Pourquoi? Parce que toutes ces prophètes-là, t'es soumis. À présent, il faut que nous posions une question. Une des questions qui est très importante. Nous demander, est-ce qu'il n'y a un prophète qui n'a pas été soumis à Allah, Tala qui créé les cieux et la terre. Toutes ces prophètes-là, ils étaient soumis. Ils étaient qu'à obéir. Ils ont fait ça, ils ont demandé. Et d'ailleurs, Allah ordonnait le prophète Mohammed. Il ordonnait, il dit, suive toutes ces autres prophètes-là qui passaient avant lui. Et donc, le prophète Mohammed n'a pas venu et puis en nouvelle religion. Et d'ailleurs, il y a une page entière dans le Coran qui a abordé ce sujet là. Une page entière qui a abordé ce sujet là. Et nous, qu'est-ce que page aujourd'hui? Franchement, je n'ai qu'à espérer que la conférence là pas durer trop longtemps, mais subhanallah, ben là, nous n'y a l'eau bagaille pour dire. Nous n'y a l'eau bagaille pour dire, je vais essayer de résumer ça le plus que possible, mais franchement, ça arrête. Nous n'y Je vais faire ça en deux conférences pour moi essayer d'expliquer ça le mieux que possible. Mais concrètement, ben, ce n'est pas facile. Et donc, nous allons aller sur Surat 6, du verset 82 à 90. Nous allons lire toute page là. Surat 6, du verset 82 à 90, à la page 138 du Coran. Allah a dit nous. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. C'est Allah qui nie la foi et qui pas accompli pièce polythéisme. C'est yo qui nie la sécurité et c'est yo qui bien guidé. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. Et c'est argumentation ta là que nous bat Ibrahim, l'éteigne le dessus en le peuple. Nous qu'a élevé en degré ces moun là que nous l'est. Et certes, Seigneur là, c'est lui qui sage et omniscient, c'est lui qui savent toute bagaille. Et ensuite, Allah a continué et a dit nous, wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Kullan hadayna wa Nuhan hadayna min qablu wa min dhurriyyatihi. Wa min dhurriyyatihi Daoud wa Sulayman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Wa kadhalika najzi al-muhsinin. Et certes, nous accordons, nous baillons Ishaq. Ishaq Chamaï Ibrahim. Wa Yaqub. Yaqub Chamaï Ishaq. Kulan Hadeina. Nous guidons toutes. Et Noé nous guidait avant ça. Et aussi descendance li. Et ensuite, après ça, Allah a cité descendance là. Daoud, David, Salomon, Ayoub, Youssouf. Et donc Joseph, Moussa, Moïse. Et Haroun. Wakedelik anajazil muhsinin. Et c'est comme ça que nous avons guidé. C'est bienfaisant. Wa Zakaria, wa Yahya, wa Isa, wa Ilyes. Kulun minas salihin. Zacharie, Jean, Jésus, Eli. Yo tout parmi ces mouns qui n'y la piété. Wa Ismail, wa Yassa, wa Yunus, wa Louta. Hein? Et aussi, donc, Ismaël, ainsi que Yassa, Younous, Lot, wa kullan faddalna ala l'alamin. Et yo toutes nous favorisé yo, en les toutes ces moun l'an qui te, Adam et Pokyo. Et donc là, Allah cite banou en liste de prophètes, en liste de moun, qui n'y la piété en yo. Et ensuite Allah a dit nous wa min abaihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim. Et aussi parmi ses parents yo. Et donc c'est maintenant qui nous la piété là que nous citer et parmi parents yo aussi et parmi descendants yo aussi et parmi ses frères yo aussi. Wa shtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim. Nous choisissons et nous guidons en la voie de rectitude. Nous guidons en la voie droite là. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Guidé Allah, c'est guidé à que Allah qui a guidé ces mouns-là, qu'il est, et puis guidé Tala. Il qui a guidé ses serviteurs, qu'il est, et puis guidé Tala. Et si ces mouns-là, c'est-à-dire tous ces prophètes-là qu'on nous citait avant, et papa yo, et ish yo, et frère yo, si yo tout, yo fait quelconque polythéisme, les habitants anhum mekenu yameloun. Toutes ces bonnes actions que vous faites, c'est que vous venez annuler. Quand si vous pas fait rien, pourquoi? Parce que polythéisme là, qui annulé tout ça que vous faites. C'est un péché qui est gravissime. Ensuite, Allah a dit nous après ça, il a dit nous, Oulaïka alladhina ataynahumul kitaba wal hukma wan nubuwa. فَيَكْفُرُ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. Et donc c'est mounta là, c'est yo que nous ba livre là, jugement hein, et prophétie. Et donc yo, c'est yo qui c'est les prophètes là. Et donc si c'est moun là qui autour dit ou, parce que prophète Mohammed là était à la Mecque, si c'est moun là qui autour dit ou à la Mecque, yo pas qu'à croire en ça. Alors certes, nous confier ça à d'autres mouns qui pas carigé t'ai. Les compagnons prophète Mohammed là, les compagnons hein, et tous ces musulmans qui kavin après, yo pas carigé t'ai prophétie ta là. Et ensuite dernier verset que nous ka trouva dans page là. Hein, après qu'Allah a cité tous ces prophètes ta, Abraham, Noé, Jésus, hein, Élie, yo toutes ça là qu'a dit nous. Ça là dit prophète li, il dit prophète Mohammed là, il dit ulaika alladhina hadallahu fabihudahu muqtadi qul la as'alukum alayhi ajra in huwa illa dhikra lil alamin. C'est mounta là, c'est yo que Allah guidé. Alors faut qu'on suive guidé yo, faut qu'on suive yo. Et dit certes, mon pas commande des autres en seul l'argent, mon pas commande des autres en seul salaire. Ça manque à faire, c'est un rappel pour l'univers. Ça manque à faire, c'est un rappel pour l'univers. Et donc page ta, c'est un page qui est vraiment très important. Là nous en page ta des éléments qui sont vraiment très importants. Parce que si vous regardez bien, dans page ta nous est que nous citons Jacob, qui est fils Isaac, ou du moins Isaac. Et Jacob, c'est lui qui est Israël. C'est lui, c'est Jacob que nous avons crié Israël. Et ces juifs-là, ils ont affilié Koyo à Israël. C'est pour ça que nous avons dit les enfants d'Israël. C'est-à-dire descendance Jacob-là. Et donc Jacob vient avant yo. Et Jacob, il vient après Abraham. Et Abraham, t'es soumis à Allah. Abraham, t'es musulman. Et donc, comment on peut dire après ça que c'est Arabes-là, c'est eux qui viennent pour l'islam. Et donc, nous voyons clairement, dans ces versets-là, que c'est pas ces Arabes-là qui viennent et puis religion islam-là, religion de soumission. Nous voyons ça clairement dans ces versets-là. Et la Bible là, pas qu'à contredit ça. Parce que qu'on nous dit avant, tous ces prophètes là qui viennent avant Jésus, ils pas ni un seul qui t'a qu'à appeler ces mouns là pour yo adorer Jésus. Pas un seul. Mais si vous méditez bien en les derniers versets à que nous voyons, si vous méditez bien en les derniers versets à que nous voyons, vous avez ni en réponse pour l'autre incompréhension qui nie par rapport à cours là que nous avons fait aujourd'hui. Cours là que nous avons fait aujourd'hui, c'est un cours qui a concerné en parole qui propage. Ça qui parole ta là, yo ka di nous, l'islam c'est religion, c'est arabe là. Ok? Nous, ouais, premièrement, première incompréhension, yo ka di nous, l'islam c'est religion, c'est arabe là. Ça le dit que c'est arabe là qui inventé religion ta là. C'est yo qui vine et puis. Et nous montrer que religion ta là, la soumission à Allah, t'es présente bien avant ces Arabes-là. Parce que tous ces prophètes-là t'es soumis. Et parce que c'est religion que Allah choisit, ben nous. Et deuxième incompréhension, c'est à que nous qui à présent. Parce que les yoka dit nous que l'islam c'est religion, c'est Arabes-là. Les yoka dit nous pas ta là. Nous dit que ça n'y plusieurs sens. Et deuxième sens-là, qui est aussi incorrect, c'est que l'islam, c'est une religion qui spécifique et propre aux Arabes. C'est-à-dire que c'est une religion bayo seulement, c'est pas une religion pour les autres. Ou c'est un monde marigo, pour tu accepter l'islam. Ou c'est un monde papin, fond papin, pour tu accepter l'islam. Ou c'est un monde monde désert, pour tu accepter l'islam. Hein? Ou c'est un monde les abîmes, pour tu accepter l'islam. C'est ça, je l'ai dit nous qu'il faut pas nous accepter l'islam parce que l'islam c'est une religion pour les Arabes là seulement. Nous quand venons dans l'autre côté assis la terre, nous nions l'autre religion. Et parole ta là aussi c'est une parole qui est incorrecte. Parole ta là aussi c'est une parole qui est incorrecte et c'est ça nous qui voit tout de suite à présent et puis l'épreuve là inchallah ta'ala. Et donc on nous garder dernier verset que nous lit. Dernier verset, verset que nous lit, il était très important pour montrer que Allah a ordonné prophète Mohammed là de suivre tous les autres prophètes là. Il a ordonné de suivre eux. C'est une obligation. Mais aussi il y a un point essentiel en ça, à dans verset là. Allah donc il a dit nous ulaika alladhina hadallahu fa bihudahum qutadi. C'est Muntala, c'est yo que Allah guidé. Alors faut qu'on suive yo. Faut qu'on suive guidé yo. Kulla es'alukum alayhi ajra. Dis, m'a pas commandé des autres en seul salaire en laissa. M'a pas commandé des autres en seul salaire. In huwa illa dhikra lil alamin. Mais c'est un rappel pour tout l'univers. Hein? C'est un rappel pour tout l'univers. Il pas dit nous c'est un rappel pour ces Arabes là. C'est pas un rappel pour ces Arabes là, c'est pas un rappel pour ces mouns là en Arabie seulement, c'est un rappel pour l'univers. Et donc, on peut pas dire nous que religion musulmane là, c'est une religion pour ces Arabes là seulement. Et c'est pour ça que nous avons dit que là, un moun qui a parlé, là, un moun qui a dit que l'islam, c'est une religion, ces Arabes là. Mounta n'a pas connaître l'islam. Parce qu'il n'y a pas un seul texte en islam qui a dit que l'islam c'est une religion pour ces Arabes-là seulement. Il n'y a pas un seul texte qui a dit ça. Mais tous ces textes-là qui ont prouvé le contraire là. Tous ces textes-là qui ont prouvé le contraire là. Il y a un groupe chrétien qui voyageait pour venir voir le prophète Mohammed là. Sallallahu alayhi wa sallam. Yo voyage pour yo vinouye. Alors, prophète là, ba yo toutes ces preuves là, et ba yo argumentation hein, pour montrer yo la vérité. Et que Jésus pas mérité que nous adorer. Et c'est pour ça que Allah a dit Inna mathal Isa inda Allahi ka mathal Adam. Khalaqahu min turab. Thumma kole lahu kun feyakun. Certes, exemple, Jésus a. Comme exemple, Adam pour Allah. Pour Allah, exemple, Jésus a. Situation, Jésus a comme situation, Adam. Il créé à partir de la terre. Et ensuite, il dit. Kun fayakun, soit et il fut. El haqqu min rabbik, fala takun min al mumtarin. Vérité a kavin de bon Dieu. Alors, faut pas que vous doutez. Faut pas que vous fassiez partie de ces moun qui a douté. Et donc, méditez en laissant que Jésus, il pas ni papa. Mais Adam, il n'est pas ni papa, il n'est pas ni maman non plus. Mais dites-en, laisse ça. Si nous adorons Jésus parce qu'il n'est pas ni papa, pour nous pas adorer Adam aussi. Il n'est pas ni papa, il n'est pas ni maman. Et donc après ça, si ces chrétiens qui viennent ouais, prophète Mohamed là, si ils pas qu'à accepter ces preuves là, et donc Allah dit prophète là, Allah dit, alors, Dio, فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. سورة 3 le verset 60 jusqu'à 61 page 57 versets 60 et 61. Et donc ces mounes-là qui a débatté puis ou dans le faux en les sujets à là. Après que nous baou la science, après que la science l'en vini en l'air, alors dio si ou pas qu'accepter ces preuves là. Alors dio vini et puis c'est chamaï vini, nous toutes nous ka vini et puis c'est chamaï nous. Hein. Et puis c'est chamaï zot là. Et puis madame nous, et puis madame zot, nous-mêmes nous kavini, zot kavini, et après ça, nous commandé Allah fait descendre malédiction en laissant mentir. Vini et puis famille yo, mon kavini et puis famille moi, et après ça, nous commandé Allah fait descendre malédiction en laissant mentir. Nous en question. Méditez bien là ça. Si prophète Mohammed là t'est envoyé pour ces arabes là seulement, pourquoi il pas dit ces chrétiens retournent en boka les autres, ça c'est un bail qui pas concerner les autres. Pourquoi il pas dit ça, yo voyager. Pourquoi il pas dit mais pourquoi ils sont fatigués qu'aux autres qu'on ça en voyage pour autres venir demander moi l'épreuve. Mais non, ça c'est un bail qui pour les arabes seulement. C'est pas bas autres. Retournent en boka les autres, sont fatigués qu'aux autres. Pourquoi il pas dit ça? Pourquoi il montre yo ces preuves là? Et après il montre yo ces preuves là et quand yo pas accepté, il dit OK, venez puis famille autres. Moi ka venir puis famille moi et nous commander à la fait descendre malédiction en les mentir. Parce que l'islam c'est pas une religion qui pour les arabes seulement. D'ailleurs, nous ka trouvé dans le Coran que Allah a appelé ces chrétiens et ces juifs-là, pour y accepter vérité. Ces chrétiens et ces juifs-là, pour y accepter vérité. Sourate 3, verset 64, page 58. Qul ya ahl al-kitab, ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum an la na'buda illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dit, oh, les gens du livre. C'est qui, moun? Les gens du livre, c'est les juifs et les chrétiens. C'est cet Allah qui n'y a un livre. Les juifs là, y'a ni la Torah. Les chrétiens, y'a ni l'évangile. Oh, les gens du livre. Vini! Vini, nous, ka unique, nous, on est en parole commune. Nous, tous, nous d'accord, on est en même parole. C'est qui ça qui parole ta là? Que nous pas qu'à adorer en seule divinité en dehors d'Allah. Ta là qui crie, nous. Nous pas qu'à adorer en seule divinité en dehors d'Allah Ta'ala qui crée nous. Et que nous pas qu'à prendre, et qu'il n'y a pas ni pour moun parmi nous qui qu'à prendre en l'autre créature comme divinité en dehors d'Allah. Et donc Allah a appelé ces chrétiens et ces juifs-là pour accepter vérité Ta'ala. Et donc si l'islam, c'est une religion qui était spécifique et propre pour ces arabes-là, pour qui Allah a appelé ces chrétiens et ces juifs-là accepter vérité. Et aussi, si l'islam c'est une religion pour les arabes-là seulement, alors pour qui prophète Mohammed l'a vrayé en lettre pour Héraclius. Vous savez qui est Héraclius? Héraclius, empereur, c'est Romain. Hein? Il vrai en lettre bail. Il vrai en lettre pouvoir Égypte. Hein? Abyssinie. Dans le pays, il vrai des lettres. Pour ces gouverneurs-là, pour accepter l'islam. Et donc ça a montré nous que l'islam, c'est pas une religion qui est propre et spécifique, c'est pas une religion qui c'est pour les Arabes là seulement. Ça c'est en parole que moun la qui a prononcé parole ta là, il pas connaître l'islam. Et il y a un lot preuve dans le Coran qui a prouvé que l'islam c'est une religion pour tous ces moun là et pas pour ces Arabes là seulement. Allah a dit nous, sourate 7, verset 158, page 170, Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaykum jami'a. Dit, oh ces moun-là, mon c'est messager Allah, ivriez-moi pour vous toutes. Oh ces moun-là, mon c'est messager Allah, ivriez-moi pour vous toutes. Il n'est pas vrai pour ces Arabes-là seulement, il dit, ivriez-moi pour vous toutes. Allah a dit nous en sourate 25, verset 1, page 359. Tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Allah, c'est Allah qui nous pleine bénédiction. La bénédiction parfaite, c'est Allah qui a détient lui. C'est lui qui fait descendre discernement en les serviteurs lui, c'est-à-dire en les prophètes Mohammed là, pour. Il vient en avertisseur pour l'univers. Avertisseur pour l'univers. Qu'a mettez-vous en garde contre un châtiment terrible pour l'univers. C'est pas pour ces Arabes là seulement. Et prophète Mohammed là, c'est lui qui dit nous aussi. Wabouistu il a nasikef. Et yo vrayez moi. Pour tout ce monde là, ça c'est parole prophète là, c'est lui qui dit nous ça. Et donc en conclusion, on parle fait trop long, m'en excusez comme moi, on prend l'autre temps aujourd'hui là, mais franchement nous tenions l'obaye pour nous dire et m'en pourquoi dit la moitié. M'en espérer que la semaine prochaine, jeudi prochain nous qu'on peut finir sujet là parce que nion l'eau bagaille pour que nous dit, nous nion l'eau bagaille que nous pour dire dans sujet là. Et m'en pourquoi dit suffisamment. Et donc en conclusion, nous ne pouvons pas dire que ces Arabes-là, c'est eux qui ont inventé la religion de l'islam. Là. Religion de soumission. Hein. Nous ne pouvons pas dire que c'est eux qui ont inventé ça. Parce que l'islam était là bien avant ces grandes tribus arabes-là. Et de la même façon, nous ne pouvons pas dire que l'islam, c'est une religion pour ces Arabes-là seulement. Parce qu'il y a en pile preuve qui a montré que l'islam, c'est une religion pour toute l'humanité. Mais aussi, si vous méditez en les situations, ces musulmans. Si vous méditez en les situations, ces musulmans, il y a en pile musulmans que ce n'est pas des Arabes. Allez regarder au Sénégal, au Cameroun, en Guinée, Comores. Hein? En Malaisie, Indonésie, au Mali, Kazakhstan, Turquie, allez garder, allez voyager. Vous autres, okay, ouais. Combien de pays assis la terre qui ont trouvé en pile musulman et c'est pas des Arabes. C'est pas des Arabes qui là. Et donc, pour tuer au nous, l'islam, c'est religion, c'est arabe là. Si vous allez, vous pas besoin de voyager en l'eau. Si vous allez, vous avez, si vous êtes en monde marigot. Quand prend taxi ou quand aller Fort de France, monter Fort de France, aller à dans mosquée Martinique là, ok ouais. En mosquée Martinique là, ok ouais, ni des Martiniquais. Ou peut trouver des Guadeloupéens. Ou peut trouver aussi Sénégalais. Ou peut trouver Marocains, Algériens, Tunisiens. Ou peut trouver en pile nationalité. Ou peut trouver en pile langue différente. Saint-Lucien. Vous pouvez trouver en pile nationalité, en pile langue différente. Et yo tout yo uni parce que yo ka adoré en seule divinité. Yo ka adoré en seule divinité. Et donc faut pas nous venir nous inventer des bagailles en l'islam. Nous dit l'islam c'est religion c'est arabe là. Et moi quand pas autre exemple, moi dis autre avant que nous n'y en islam des sources fondamentales. Le Coran, parole Allah. Ok, ça c'est une source fondamentale en islam. Nous aussi, c'est récit prophétique là. les récits prophétiques là qui a expliqué nous Coran. Et donc ça c'est les sources de l'islam. Et donc m'en disant qu'il y a des livres qui sont très connus, hein, qui c'est des recueils de récits prophétiques. Ou qu'a trouvé ces paroles prophètes là dans ces livres là. Nous qu'a regardé, il y a un savant musulman, Noy, c'est Sibawayh. Sibawayh, c'est un savant dans la langue arabe. Et il parle en arabe. C'est un savant très très fort dans la langue arabe, en référence. Et c'est pas en arabe. Nous qu'a regardé, m'en disant tout à l'heure, m'en disant que ni des récits prophétiques, a dans deux livres très importants. Livre Imam El-Bukhari et livre Imam Muslim. C'est deux imams très importants dans la communauté musulmane. El-Bukhari et Muslim, ce n'est pas des Arabes. Ce n'est pas des Arabes qu'il a. Et donc, nous pas ni racisme dans la religion. Ce n'est pas en religion que c'est Arabes là qui ont inventé. Et ce n'est pas en religion qui est propre et spécifique aux Arabes. Ça, c'est un point que j'ai espéré. Et puis, argumentation que nous avons aujourd'hui, c'est une argumentation qui est suffisante pour nous comprendre le premier point là. Et, Inch'Allah, la semaine prochaine, nous avons un autre point qui est lié à ça. Parce que, il y a des gens, là où ils ont dit ça, là où ils ont toutes ces preuves-là, hein? Là où ils ont dit argumentation, là, nous prenons 50 minutes pour nous expliquer ce sujet là. Il y a des gens, les gens expliquer ça, ils ont dit, oui, c'est vrai, mais dans tous les cas, l'islam, c'est pas Tao. Parce qu'avant, il y a dit, l'islam, c'est religion, c'est arabe. Là, il y a argumenté pour montrer que c'est une parole que il ne peut pas dire. Il y a dit, oui, d'accord, mais l'islam, dans tous les cas, c'est pas Tao. L'islam, c'est pas religion, pas Tao. Et donc, ça, c'est un sujet que nous avons dit, Inch'Allah, jeudi prochain, nous avons argumenté en l'ESA pour nous montrer que ça aussi, c'est une parole qui n'est pas correcte, c'est une parole qui est incorrecte. Et faut que nous acceptions la vérité, hein? Faut pas que nous bloquions comme nous sous prétexte que nous n'y en origine, hein? Origine là c'est un bagage que faut pas oublier. Faut pas oublier qu'on s'en Martinique, mais origine ta là que on y peut pas empêcher ou accepter vérité. Hein? Et ça c'est un sujet que nous qui jeudi prochain, inchallah taala, nous commander Allah ba nous la réussite, c'est lui qui est capable de toutes choses. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khairan. Et m'en cas excusez comme encore l'autre fois pour tout le temps que m'en prend. Et m'en cas excusez comme l'autre fois pour créer le monde qui n'est pas qu'à monter mon.